les autres étrangers et les compatriotes coréens d'outre-mer, comme la délégation du conseil des habitants de la préfecture de Saitama pour l'amitié et la solidarité nippo-coréenne et la délégation de l'Union de la jeunesse coréenne au Japon, ont déposé le 20 courant les bouquets de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu pour rendre leur hommage.